Chapitre 18. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, » disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas, puis il se dit, « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. » Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon elle continuera à venir et finira par mettre ma patience à bout. Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jésus dit la parabole suivante à l'intention de certains qui se croyaient justes devant Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et priait ainsi, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je pratique le jeûne 2 jours par semaine, et je te donne la 10e partie de tout ce que je gagne. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Des gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il les touche. Les disciples les virent et leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, en vérité, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Un chef juif demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui dit Jésus. « Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit, « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?»« Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, » répondit Jésus. Pierre dit alors, « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » « Je vous le déclare, leur dit Jésus, en vérité, si quelqu'un quitte sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, pour le royaume de Dieu, il recevra beaucoup plus dans le temps présent, et il recevra la vie éternelle dans le temps qui viendra ensuite. » Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit, « Écoutez, nous allons à Jérusalem où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le 3e jour, il reviendra à la vie. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Maître, » Fais que je voie de nouveau, répondit-il. Et Jésus lui dit, vois, ta foi t'a guéri. Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu.